Qu'est-ce que tu vas faire? Là, tu l'as envie de sauter. Ah bon, t'as encore vu? Super. Ouais. Ouais. Ha ha! show.